Den, D-E-2-N, signifie car je suis très fatigué. Denn ich bin sehr müde. Denn s'emploie beaucoup en allemand, probablement plus que car en français. Mais il y a un autre mot pour dire car, parce que en allemand se dit weil. Ça s'écrit W-E-I-L. Weil. Weil. À vous de le dire? Weil. Weil. C'est le même son ei que pour sein et mein. Weil. Bien. Weil. Si vous voulez employer weil au lieu de denn, par exemple dans la phrase avec denn, car je suis très fatigué, il faudra faire quelques changements. Reprenons d'abord avec denn. Car je suis très fatigué se dit denn. Denn ich bin sehr müde. Bien. Denn ich bin sehr müde. Si vous utilisez weil, le verbe qui se rapporte à weil, ici bin, bin se retrouve en fin de phrase, que celle-ci soit courte ou longue. Donc, si vous dites weil, weil ich, vous mettez tous les autres éléments de la phrase, puis vous placez bin à la fin. Cela donne donc weil ich très fatigué. Sehr müde bin. C'est ça. Weil ich sehr müde bin. Parce que je suis très fatigué. Comment dit-on comprendre? Verstehen. Verstehen. Verstehen. Verstehen. Verstehen. Et je comprends? Ich verstehe. Ich verstehe. Nous comprenons? Wir verstehen. Wir verstehen. Vous comprenez le vous de politesse? Sie verstehen. Sie verstehen. Mm-hmm. Ils comprennent. Sie verstehen. Sie verstehen. Encore une fois? Sie verstehen. Sie verstehen. Oui, verstehen. Il faut bien insister à l'oral sur le ste de stehen. Verstehen. Verstehen. Verstehen. Bien. Nous ne comprenons pas. Wir verstehen nicht. Wir verstehen nicht. Je comprends. Ich verstehe. Bien. Ich verstehe. Je ne comprends pas. Ich verstehe nicht. Je vous comprends très bien. Ich verstehe Sie sehr gut. Bien. Ich verstehe Sie sehr gut. Et je ne vous comprends pas très bien. Ich verstehe Sie nicht sehr gut. Bien. Ich verstehe sie nicht sehr gut. Comment dira-t-on il comprend? Er versteht. Er versteht. C'est ça. Là, vous avez le T final. Et elle comprend? Sie versteht. Bien. Sie versteht. Elle me comprend très bien. Sie versteht mir. Me, ici, ce n'est pas à moi, mais. Mich. Bien. Sehr gut. Sehr gut. Donc, encore une fois, elle me comprend très bien. Sie versteht mich sehr gut. Sie versteht mich sehr gut. Vous ne me comprenez pas très bien. Sie verstehen mich nicht. Oui. Sehr gut. Oui. Sie verstehen mich nicht sehr gut. Vous ne me comprenez pas très bien. Et pouvez-vous me comprendre? Können Sie? Bien, können Sie? Können Sie mich verstehen? Oui, encore une fois. Können Sie? Können Sie mich verstehen? Bien, können Sie mich verstehen? Et comment dira-t-on je ne comprends pas? Ich verstehe nicht. Bien. Encore une fois, je ne comprends pas? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Je ne comprends pas ça. Ich verstehe es nicht. Bien. Ich verstehe es nicht. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas le comprendre. Ich verstehe es. Je ne peux pas. Ich kann nicht verstehen. Non, es verstehen. Encore une fois. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Comment diriez-vous je vous comprends? Ich verstehe sie. Bien, ich verstehe sie. Et pour dire je ne vous comprends pas? Ich verstehe nicht sie. Ou plutôt... Sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Bien. Ich verstehe sie nicht. Et maintenant, comment direz-vous « je n'arrive pas à vous comprendre » C'est-à-dire « je ne peux pas vous comprendre ». Ich kann nicht... Je ne peux pas vous comprendre. Ich kann sie nicht verstehen. Ich kann sie nicht verstehen. Encore une fois? Ich kann sie nicht verstehen. Bien. Ich kann sie nicht verstehen.